si t'as mal au cœur, ça va passer. Faut pas penser au passé. Petite demoiselle, t'as tout, c'est pour toi. Patiente, un jour ça viendra. Ahlal, un beau mariage, on te mettra la bague au doigt. Des beaux habits, un toit, tu feras plus n'importe quoi. Mais pour l'instant c'est pas beau, t'as subi, v'là les coups de crasse. Manque de maturité, ouais, les hommes c'est faible et c'est l'âge. T'as trop subi, les restes ici, sors pas, va pas là-bas. Manque d'explications quand les problèmes viennent à la base. Les sentiments, elle connaît pas, non, jamais là par intérêt. Et pour se mettre bien, elle part bosser à la télé. Tu t'y fais à l'idée. Pour la voir, qu'est-ce que tu peux faire? Elle recherche personne, mais ça va arriver. Elle veut un homme comme son père. Tu t'y fais à l'idée. Pour la voir, qu'est-ce que tu peux faire? Elle recherche personne, mais ça va arriver. Elle veut un homme comme son père. Elle sort jamais de la maison. Au boulot, les quatre saisons. Pas de ceux qui perdent la raison. Tu t'embêtes, fais tes missions. C'est une femme forte avec du caractère. Très sincère avec beaucoup de flair. C'est une femme forte avec du caractère. Sincère avec beaucoup de flair. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Tu t'y fais à l'idée. Pour la voir, qu'est-ce que tu peux faire? Elle recherche personne, mais ça va arriver. Elle veut un homme comme son père. Tu t'y fais.